Vous avez pensé à tout. Envoyer l'email à votre boss, récupérer les enfants à l'école, acheter le pain. Vous maîtrisez absolument, parfaitement, totalement la situation. Et puis, soudain, elle vous demande « Tu as pensé à commander du café ?» Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso. What else? What else? Quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Il y a 30 ans, naissait dans les locaux du CERN à Genève un outil qui a bouleversé notre façon de communiquer, le partage des connaissances et notre rapport au monde, le World Wide Web. Et on doit son invention à Tim Berners-Lee, un physicien et informaticien du CERN génial mais un peu bordélique, et à Robert Caillot, un ingénieur belge qui a contribué au développement et à sa diffusion. Et ensemble, ils ont bouleversé donc la façon d'échanger de l'information en permettant l'accès aux documents et aux ressources éparpillées partout sur la planète et en utilisant donc le débit du réseau Internet qui existait déjà. Cette invention est pour certains aussi importante que celle de l'imprimerie, mais aujourd'hui son créateur, Tim Berners-Lee, dénonce la prolifération des fake news, le piratage des données personnelles. La tête au carré revient cet après-midi sur la grande saga du web avec deux pionniers de l'Internet et nous allons nous demander justement comment on va pouvoir évoluer la toile dans les prochaines décennies. Dossier de l'émission avec bien sûr vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, la Terre qui tremble pas mal en ce moment et en particulier en Charente-Maritime. Oui, un séisme de magnitude 4,9 et ses répliques, ça n'était pas arrivé depuis 1759. On fait de la sismologie des zones calmes dans un instant. Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, les 30 ans du web sont fêtés cette année, c'est donc le dossier cet après-midi de l'émission. Et pour en parler, je reçois les ingénieurs Daniel Charnet et François Flukiger. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Dites-nous d'abord quel rôle vous avez eu dans cette grande saga du web pour comprendre exactement quel a été votre apport en tant que pionnier, Daniel Charnet, pour commencer. Alors, il était mieux de commencer par François, parce que François était plus près à l'origine de l'invention. Au niveau de la datation. Et on va quand même commencer par vous. Allez, commençons. Alors, comment on est arrivé dans l'histoire du web? Alors, moi j'étais au centre de calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, un institut du CNRS qui travaille essentiellement au CERN sur les grandes expériences et qui a profité très vite de la technologie du web, puisqu'un de mes collègues, Wojciech Wojciech, a organisé une conférence sur le calcul dans la physique de haute énergie, où Tim Berners-Lee présentait la technologie du web. Il est revenu avec ça dans sa poche. On s'est posé un peu de questions. On s'est dit que ça allait certainement marcher dans la discipline, ouais. Mais personnellement, ouais. J'imaginais pas l'explosion que ça aurait quelques années plus tard. Ouais. Alors François Flukiger, vous qui avez été vraiment aux premières loges, racontez-nous un petit peu. Même chose, où est-ce que vous étiez situé dans cette histoire? Alors, pour raconter cette histoire, et peut-être qu'il faut commencer par donner un peu la différence entre l'Internet et le Web, en deux phrases. Alors, l'Internet, c'est l'infrastructure de transport. C'est un petit peu l'équivalent d'un réseau routier avec les ronds-points et les liaisons, les routes entre les ronds-points. Hein. Dans l'Internet, eh bien, les ronds-points, ça s'appelle des routeurs, et puis les routes, c'est des liaisons. Mon rôle a été sur cette infrastructure. Mais cette infrastructure, elle ne sert à rien s'il n'y a pas des services, des applications qui fonctionnent. Le web, c'est l'une de ces applications, comme la messagerie en est une autre. Moi, j'ai été, pendant une quinzaine d'années, responsable de l'infrastructure Internet au CERN. Au départ, quand j'ai commencé, au début des années 80, on avait deux connexions, deux lignes minuscules, l'une qui allait à Saclay, près de Paris, et l'autre qui allait en Angleterre. Ouais. Dix ans après, le CERN était devenu la plaque tournante de l'Internet en Europe. En 91, il y avait à peu près 85% de la capacité de l'Internet qui se terminait au CERN à Genève. Et c'est là, que Tim Berners-Lee a créé son invention. Alors, mon rôle sur le web, eh bien, ça a été plus spécifiquement quand Tim Berners-Lee a décidé de partir au MIT, de quitter le CERN pour aller développer le consortium web au MIT, eh bien, je repris en main son équipe. On va bien sûr retracer toute cette saga absolument étonnante dans un contexte où d'ailleurs même les spécialistes n'étaient pas vraiment convaincus par cette invention. Et puis Daniel Charnet, on va parler également du futur du web parce que ça nous intéresse évidemment. Il se profile comment ce futur a priori? Alors, on parle maintenant de web 3.0. Oui. On parle d'un web qui est décentralisé. Parce que le web qui, à l'origine, est décentralisé, se centralise avec l'arrivée de Google. Tout le monde, maintenant, pour aller sur un site web, passe par Google et fait une recherche sur ce moteur. Mm-hmm. Donc, le web s'est centralisé à travers Google, à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Et finalement, on a un peu perdu la main sur ce grand réseau. Donc on parle de nouveau la bonne chose serait de décentraliser, pas laisser tout le pouvoir aux GAFA. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. On va y revenir avec vous. C'est d'ailleurs le grand regret de son créateur Tim Berners-Lee, on le verra avec vous dans un instant, qui fait beaucoup de déclarations à ce sujet. Voilà, histoire et projection autour du web, et puis bien sûr les auditeurs qui nous rejoignent avec tous les messages pour vous sur franceinter.fr. Le sol a tremblé ce matin en Charente-Maritime et en Gironde, 4,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situe à Montendre, à 70 km au nord de Bordeaux. On se demande ce qui se passe, la maison bouge, elle est comme sur un coussin d'air. Je pensais à une explosion à côté. Moi, je me suis mis à trembler, les murs ont tremblé, les verres ont teinté. Moi, ça fait 47 ans que je suis à Montendre et c'est la première fois. Voilà, ça c'était le 20 mars dernier, la Terre a tremblé, mais les répliques continuent, en Charente-Maritime en particulier, une zone de France plutôt calme d'ailleurs normalement, Axel. Et oui Mathieu, la région de Bordeaux n'avait pas connu cela depuis 1759, et le séisme de l'Entre-deux-Mers, les répliques du séisme du 20 mars, mesurées à 4,9, presque 5 sur l'échelle de Richter, ont continué ce week-end samedi, avec un séisme de 3,7. L'événement du 20 mars totalise près de 2700 signalements sur le site France Séisme, et pour en parler, nous sommes avec Pascal Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Alors, presque 5 sur l'échelle de Richter pour une région calme. Est-ce que vous, personnellement, ça vous a surpris ces événements de Montendre et puis cette réplique à Jonzac ce week-end? Alors, bon, effectivement, c'est une région calme, de sismicité faible. Mais magnitude 5, en fait, c'est une magnitude locale qui est un peu la mesure que l'on fait sur les sismomètres depuis des décennies. Mmh. Et en fait, qui ne correspond plus réellement à la réalité des magnitudes que l'on voit de par le monde, qui est une magnitude d'énergie. Donc, cette magnitude estime l'amplitude du séisme par le maximum de du mouvement du sol à une distance donnée. On corrige la distance, etc. Et en fait, on perd de l'information. Et une réévaluation de cette magnitude avec les normes actuelles, c'est plutôt une magnitude autour de 4, 3,74. Donc c'est moins surprenant. C'est une surestimation ce 4,9. Pourquoi c'est le chiffre qu'on a vu? C'est pas une surestimation, c'est une autre mesure de magnitude, ce qu'on appelle magnitude locale. Donc il faut savoir bien se dépatouiller, parce qu'entre magnitude 5 et magnitude 4, normalement, il y a 10 fois plus de séismes, ou il y a 30 fois moins d'énergie. Alors, parmi les signalements qu'on a recueillis sur Internet, il y a des ressentis à Bordeaux, ça c'est normal. Il y en a même jusqu'à Clermont-Ferrand. Pour un séisme comme ça, c'est normal d'aller si loin pour des ressentis? Alors, s'il y a un témoin de Clermont-Ferrand, effectivement, si la personne est en haut d'un grand immeuble et l'immeuble est construit sur un sol mou, on a une double amplification, donc une petite chance, si on est très zen, de ressentir quelque chose. Oui, donc il faut être dans des conditions particulières. Oui. Ouais. Une région calme comme ça, avec un séisme qui se produit, là, on voit tous les 250 ans, un gros, c'est intéressant pour vous en tant que sismologue pour étudier la région? Le séisme de 1759 était sans doute plus gros, puisqu'il avait encore une intensité plus, 7, voire un peu plus, et alors que celui-ci a une intensité 4. Ouais. Donc en termes de magnitude, c'est difficile à dire, mais sans doute des magnitudes autour de 6 pour celui de 1759, peut-être un peu moins, 5,5, et alors que là, on a probablement 30 ou 100 fois moins d'énergie. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que des séismes de petite magnitude comme ça dans des régions calmes, c'est intéressant et c'est utile pour étudier pour vous la sismologie? Oui, c'est extrêmement important parce que ça montre l'activité des failles de la région. En fait, on a relativement bien identifié le système de failles qui est concerné. C'est le même que celui qui traverse la Vendée et la Bretagne dans sa partie sud, qui fait notamment la sismicité de l'île de Ré et d'Oléron. Pour l'événement dont on parlait en 1759, est-ce qu'on connaît les dégâts qu'il avait produits sur la région? on le connaît bien. On a des bonnes archives. Les grands bâtiments, les églises, les châteaux ont été abîmés, les murailles un peu, les murs un peu fissurés. On a eu quelques effondrements de bâtiments relativement peu consolidés. Et puis ça a été fortement ressenti à 200 km à la ronde. On peut imaginer qu'un événement comme ça aujourd'hui aurait des dégâts moindres. Je pense qu'il aurait des dégâts importants. Oui. Oui, c'est, oui. Je parlais de manière de construire ou de protéger les bâtiments. Difficile à dire. Le bâtiment de l'époque, les grands bâtiments étaient très bien construits. Donc, sauf ceux qui étaient vieux, évidemment, pouvaient s'endommager plus facilement. Beaucoup de cheminées tombaient à l'époque, et je pense que ça recommencerait de nouveau maintenant. Ouais, encore un mot sur les failles, Pascal Bernard, qu'on comprenne bien justement où est située la France par rapport à ça, et cette région ouest en particulier. Alors cette France, elle est située un peu en bordure de plaque, un peu loin. Il y a une frontière, une ancienne frontière de plaque qui est encore un petit peu active au niveau des Pyrénées, cette chaîne de montagnes qui continue de bouger avec ses failles sismiques, avec des séismes destructeurs historiques. Et on est un petit peu au nord de cette zone, on est à 100-200 km au nord. Et donc on ressent un peu les contraintes de cette pression, en gros, de la plaque ibérique sur la plaque eurasienne. Ces contraintes, elles s'atténuent pas avec la distance, mais les failles locales sont un peu cimentées depuis fort longtemps, depuis des centaines de millions d'années, et donc elles résistent très bien, mais de temps en temps elles lâchent un petit peu, à magnitude 4, à magnitude 5, et peut-être dans le futur des magnitudes plus. Alors, Pascal Bernard, pour des événements de faible amplitude comme ceux de ces dernières semaines, est-ce qu'il est quand même important, quand on ressent quelque chose, de faire la démarche, de faire un signalement sur les sites internet faits pour recueillir? Oui, c'est très important, très utile, parce que ça permet de recaler les choses, d'une part, par rapport aux archives historiques, pour lesquelles on n'avait pas, évidemment, de sismomètre de mesure. Donc, on peut recaler les effets ressentis de l'époque, 1759 ou d'autres dates, avec ce que les gens ressentent maintenant. La distance de perception, par exemple, ça c'est une chose. Et ensuite, on peut recaler les magnitudes 3, 4 relativement les unes aux autres, beaucoup plus rapidement, puisqu'en fait, on a une réponse, les témoins répondent en quelques minutes, alors que, le CEA donne une première mesure aussi en quelques minutes, mais parfois révisée parce qu'on n'a pas toutes les informations sismologiques, parfois avec la magnitude locale et donc pas la magnitude de manque qui est la vraie magnitude d'énergie. Donc l'information du public est extrêmement utile. Alors c'est ça aussi l'effet Internet, ça vous sert à faire une grille plus fine du territoire avec des terrains plus tout à fait, plus à risque. Tout à fait. Il y a deux sites sur lesquels on peut témoigner, c'est le site du BCSF, donc Séisme France, France Séisme plutôt, et puis le Séisme et le site de l'EMSC, le CSEM, qui aussi récolte les témoignages. Merci beaucoup Pascal Bernard pour toutes ces précisions avec cette actualité charentaise en l'occurrence. Et puis je signale cet ouvrage que vous avez signé qui s'appelle « Pourquoi la Terre tremble » et qui nous fait voyager vraiment dans le monde entier et qui est paru aux éditions Belin. Merci beaucoup à vous Axel, à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Hayabusa 2 qui enchaîne les exploits. Ce week-end, la sonde japonaise a réussi à former un cratère artificiel sur l'astéroïde Ryugu. Elle a d'abord largué une petite boîte. Une fois la sonde à l'abri, la boîte a explosé, envoyant un projectile de 2 kilos à plus de 7000 km en direction de l'astéroïde. Une suite d'opérations très complexes et inédites dans le spatial, dont le but était donc de libérer de la matière du sous-sol afin de l'analyser ensuite. Le retour sur place est prévu dans 2 semaines avec certainement des photos du cratère. La découverte d'une baleine amphibie qui marchait et nageait à 4 pattes, les ancêtres des baleines actuelles il y a 50 millions d'années, étaient des animaux terrestres qui sont retournés petit à petit à la vie aquatique. Une équipe de chercheurs belges décrit cette semaine dans la revue Cell un fossile transitoire découvert au Pérou. L'animal daté de 42 millions d'années avait donc 4 pattes ornées de sabots mais certainement palmées et une queue dont la structure proche de celle des castors indique un mode de nage déjà très efficace. Et puis pour terminer, des surprises dans les profondeurs du Titicaca. Des archéologues ont découvert dans ce lac entre le Pérou et la Bolivie des artefacts très bien conservés, datés entre 700 et 950 ans, soit plus de 500 ans avant la fondation de l'Empire Inca. Des vestiges qui sont certainement attribués au peuple Tiwanaku, brûleurs d'encens, ornements en coquillages, or, pierres précieuses, ainsi que ossements de lama. La récolte est importante. La présence de plusieurs ancres proches des sites de fouilles laisse penser aux chercheurs que ces objets ont été jetés dans l'eau depuis des bateaux en guise d'offrande. Allez, les 30 ans du web, dossier dans un instant. Breath will find a way, pale light and death. Jeanne Haddad avec Falling Hearts. La grande question, qu'est-ce que le World Wide Web va devenir ? À l'instant où on essaie de dire aux gens ce qu'ils doivent en faire, on a perdu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de leur mettre une porte et de les laisser entrer. La tête au carré. Extrait de la série Halt and Catch Fire. Et pour parler donc des 30 ans du web, c'est cette année. Et pour en parler, deux ingénieurs qui ont joué un rôle important dans cette histoire. Daniel Charnay, donc ingénieur de recherche au CNRS et importateur du web en France. On va expliquer tout ça dans un instant. Et puis François Flukiger, ingénieur informaticien, physicien, membre honoraire du CERN. Et vous pouvez bien sûr leur poser toutes vos questions sur le web d'hier et d'aujourd'hui, et surtout de demain aussi. Hein. Ça nous intéresse, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. On le disait donc tout à l'heure, vous avez été tous les deux aux premières loges de cette saga. Et tout à l'heure également, Daniel Charnay, vous nous disiez que vous aviez bien du mal à imaginer à l'époque l'ampleur qu'allait prendre le web. Même chose pour vous, François Flukiger, c'était compliqué d'imaginer cette révolution que ça allait engendrer dans les échanges à l'échelle planétaire. Alors, il y a eu plusieurs moments, plusieurs époques. Au début, la toute première proposition qui a été faite par Tim Berners-Lee, l'inventeur, en 89, bah, c'était un document qui était assez incompréhensible. Je l'ai découvert quelques mois après, ouais. Je n'y comprenais rien. Et ah, même vous ? Ah non, je n'y comprends toujours rien d'ailleurs. C'est vrai ? Vous savez, la première page, c'est un enchevêtrement inextricable de ronds, de carrés avec des flèches, des lignes. Et on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça décrit la fonctionnalité ? À quoi ça va servir ce truc ? Ou bien, est-ce que ça décrit comment ça va marcher ? Le fonctionnement ou un mélange des deux ? On ne le sait pas. Ouais. Donc, c'était incompréhensible. Néanmoins, la caractéristique du CERN, c'est que quand il y a des projets dont on ne comprend peut-être pas tout, mais pour lesquels on pressent un potentiel, on laisse les gens bosser. On les laisse démarrer. Ça, et donc bien. Il a démarré essentiellement dans son temps libre au départ, la nuit beaucoup, mais vous savez, c'est la règle du CERN. Quand on passe la nuit au CERN, on voit que les lumières sont allumées, parfois jusqu'au petit matin. Donc on lui a donné la possibilité de démarrer, mais au tout début, on ne savait pas où ça allait mener. Ouais, ça veut dire que M. Berners-Lee n'est pas un bon communicant, Daniel Charnay. Hein, alors, c'est d'ailleurs d'autant étonnant que ce document que j'ai vu aussi, qui est d'une complexité... Expliqué après ou pas ? Il n'a pas décrypté ce document-là. Non, mais ce document est très complexe, alors que la technologie et le principe... est simple. Ouais. On peut même dire que c'est parce que c'est simple que ça a marché. Et c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait son succès. Une technologie, enfin l'hypertexte, hein, qui existait déjà, on en parlait avant, une technologie très simple et cette difficulté à faire passer l'information et à produire un schéma aussi complexe. Mais encore une fois, le web a marché parce qu'il était très simple. Ouais. C'est alors, sûr. On l'entendra d'ailleurs dans un des extraits tout à l'heure. Il y a une certaine élégance justement dans l'invention qui fait que précisément ça a aussi très très bien marché. François Flukiger. Oui, c'était un génie, je dirais un génie travailleur. Hein. Sans travail, le génie ne sert pas à grand chose. Il travaillait énormément, mais c'était un communicant épouvantable. À la fois à l'écrit, on en a parlé pour savoir où sont, mais à l'oral également. Je me souviens, il voulait toujours faire des démonstrations. Une fois à Innsbruck, lors d'une grande conférence européenne, je l'invite, j'étais co-organisateur, dans la séance plénière, il va parler devant 500 personnes. Et je lui dis avant, Tim, tu fais pas de démonstration comme... Non, non, pas du tout. En fait, il démarre, il se plonge dans son ordinateur, il baisse la tête, il regarde par la salle. Au bout de 10 minutes, déjà la moitié de la salle est partie. Il dit, non, ça va marcher, attendez, il faut que encore je fasse une connexion, voilà, je tape, contrôle, machin. Et finalement, il passe toute sa conférence à essayer de faire marcher une démonstration qui marchera jamais. Ouais. Donc, et puis, c'était quelqu'un d'assez particulier. Je pense que son esprit fonctionnait comme le web. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas terminer une phrase, poursuivre une idée. C'était très arborescent, on pourrait dire les choses absolument, comme ça. Absolument, il avait une idée et il mentalement cliquait sur une idée pour aller sur une autre idée, comme on va sur une autre page, en oubliant, comme on le fait nous-mêmes, de quelle idée ou le page il vient. On est parti. Il sautait d'une idée à une autre, c'était assez épouvantable. Néanmoins, on pouvait tout de même ressentir qu'il y avait quelque chose derrière, un potentiel. Alors, Daniel Charnay, qui est Robert Calliot à ses côtés ? Parce que qui est vraiment le créateur inventeur du web ? C'est Tim Berners-Lee ou c'est alors, le duo ? Incontestablement, le créateur, l'unique créateur, c'est Tim Berners-Lee. Robert Calliot, on en discutait tout à l'heure avec François, est la personne qui a su vendre l'idée et qui a su aller chercher les moyens. Mais le créateur incontestable et celui qu'on peut remercier tous les jours, c'est Tim Berners-Lee. On va écouter la voix de Robert Calliot en 1994, qui lui aussi fait bien la distinction entre le web et Internet, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas finalement très évident. Internet, c'est donc l'infrastructure qui est comme les routes, qui vont partout et qui connecte tout, plus le code de la route qui doit être respecté par tous les automobilistes. Et le code de la route Internet est en fait ce qui garantit que deux ordinateurs différents de n'importe où dans le monde peuvent communiquer sans problème. Le web est en fait donc un utilisateur de l'infrastructure qu'est Internet, mais qui est comparable à un service de livraison de marchandises qui utilise cette infrastructure. Ces marchandises, ce sont des informations. Et ces marchandises, ce sont des informations, c'est ça. Le web permet plus facilement la communication entre les ordinateurs et le partage des informations qui sont déjà sur les ordinateurs et qui étaient déjà, dans certains cas, depuis longtemps. Et qui banalise donc l'accès, en fait. Voilà, Robert Caillot en 1994, et évidemment des explications très importantes, surtout à l'époque, mais finalement encore aujourd'hui, Daniel Charnay, parce que si on va dans la rue, on fait un micro-trottoir, on demande au public de donner la différence entre le web et Internet, personne quasiment pourra vraiment l'expliquer. Il y a une confusion entre les deux. Je crois que c'est plus la peine d'essayer. Oui. Maintenant, on recherche sur Internet, on achète sur Internet. On va sur le web de la même manière. Il est hors de question d'acheter sur le web. Maintenant, tout le monde achète sur Internet. Ouais. Donc, il faut l'admettre. Bon, et puis ça fait rien. Dans l'histoire, la vraie, on la connaît, donc l'Internet... C'est un petit peu comme confondre le réseau ferré de France et la SNCF avec ses services. Finalement, on peut parler des deux. Néanmoins, pour les concepteurs, pour les gens qui ont inventé les technologies, je pense notamment à Vint Cerf et Bob Kahn qui ont inventé la technologie Internet, ce qu'on appelle la technologie IP, on a tous entendu parler des adresses IP, ça reste important de dire que, et d'ailleurs rappelons que cette technologie IP, elle a été inventée il y a 50 ans, déjà, aux États-Unis. Et puis, l'application principale, avec le mail, c'en est une autre, mais l'application principale, le web, elle a été inventée au cœur de l'Europe. Parce qu'Internet existait donc déjà bien avant le web. Bien sûr, on s'en servait largement avant pour faire du mail. Enfin, c'était l'application la plus connue de l'Internet était le mail qui était bien avant le web. Même si après, le web a eu tendance à regrouper toutes ces applications. Maintenant, le web est quand même le point unique qui permet de faire du web, du mail. Depuis un navigateur web, on peut faire du webmail, on peut faire du transfert de fichiers, alors qu'avant, c'était des applications qui étaient séparées. Ouais. Il a été fédérateur, le web a été très fédérateur en permettant d'accéder à tous ces protocoles. Daniel Charnay, comment on travaillait avant le web au CERN, justement? Parce que ça a été pour rendre service d'abord aux informaticiens, aux scientifiques, aux physiciens. La problématique, c'était que les expériences qui se font au CERN sont faites par des chercheurs qui sont répartis sur toute la planète. Et qui ces gens-là doivent échanger en permanence leurs résultats de recherche, etc. Ouais. Donc il existait des choses, on s'envoyait des mails, mais on n'avait pas la possibilité de faire une page qui pointait des ressources qui étaient réparties à différents endroits. Donc c'était compliqué. C'était compliqué d'accéder à l'information. François Flequiger. Et si on voulait effectivement partager des documents informatiques, il y avait effectivement la messagerie électronique, mais c'est assez limité. On avait les pièces jointes qui était très limité à ce moment. Donc la seule possibilité, c'était que nous avions chacun des comptes ouverts sur un grand nombre de machines distantes. Moi, j'avais une vingtaine de comptes ouverts, l'un à Hambourg, l'autre à New York, le troisième au Japon. La seule manière, c'était de se connecter physiquement à ces ordinateurs, chacun de ses comptes, à chaque fois, parcourir une hiérarchie de fichiers, et puis finalement, demander le transfert du fichier avec des techniques. Et donc, c'est ce que le web a aboli. Le web a dit, non, maintenant, on fait une structure où il suffit que votre navigateur envoie une requête à un serveur, à un ordinateur distant, ça sera un serveur, il n'y aura pas besoin de se connecter, il n'y aura pas besoin de faire quoi que ce soit, automatiquement le serveur, c'est comme une maison ouverte, il y a une porte mais il n'y a pas de serrure, et il y aura un retour, une page qui viendra. Et le lien hypertexte est évidemment absolument essentiel là-dedans. Alors c'est la base, puisque cette première page, c'est des liens qui pointent sur des ressources qui sont réparties sur des ordinateurs un petit peu de partout. C'est le début du web, c'est l'accès à l'information. Il faut bien voir que ça va changer après, mais le tout début, c'est l'accès à l'information. C'est qu'aucun des physiciens, les 10 000 physiciens, ne l'avait demandé. Oui. Nous devions avoir ces comptes ouverts sur les machines. C'était épouvantable, mais on ne pensait pas que ça pouvait changer. Oui. Et une fois que le web est arrivé, tout le monde a dit « mais comment on a pu vivre avant ?» C'est ça. Ça, c'est fascinant quand même, finalement, parce que ça nous paraît totalement préhistorique. Aujourd'hui, la façon dont on travaillait avant est très compliquée, laborieux, difficile, long. Et le web a simplifié tout ça d'un coup d'un seul. Énormément. Et sur la petite note justement de la direction, je crois, de Tim Berners-Lee, quand il a expliqué son idée, figurait ce petit commentaire enthousiasmant, mais

naviguer le World Wide Web et trouver toutes sortes de choses intéressantes. Au CERN, on a la fierté de voir aujourd'hui son bébé reconnu par des millions d'utilisateurs. Mais c'est désormais l'INRIA français et le MIT américain qui assureront le développement des normes mondiales du Web. Car les chercheurs du CERN sont retournés à leur raison de vivre, la physique des particules et donc la compréhension de l'univers. Voilà, ça c'était en 1995 sur France 3 et les dates sont importantes puisque effectivement il était dit que c'est 2 ans après l'arrivée dans le domaine public du web, François Flückiger, et ça c'est un moment qui aurait pu être catastrophique d'ailleurs pour le web. Hein. Ah oui, alors là on l'ignore un petit peu, mais en mars 93, le CERN a décidé de mettre le logiciel du web, c'est-à-dire les programmes qui servent à faire des serveurs et les navigateurs, dans le domaine public. Ouais. C'était une bonne idée. L'idée, c'était de dire, regardez, le web, je veux que tout le monde puisse l'utiliser. C'est ultra-démocratique, l'idée. Quoi de mieux que de dire, voilà, je le mets dans le domaine public, ce qui veut dire qu'il ne m'appartient même plus, il n'est même plus à moi, donc utilisez-le. Et ça, ça a été un grand danger. Qu'est-ce qui aurait pu se passer finalement? Alors, ce qui aurait pu se passer, c'est que un industriel, une entreprise dise, eh ben, il a personne. Ouais. Alors maintenant, je le prends, je corrige une erreur, il faut corriger quelque chose, et maintenant il est à moi, et je dénie à quiconque le droit de l'utiliser librement. Ça aurait été la fin du web, ça aurait été quelque chose de différent. Et ça a duré combien de temps, Daniel Charnet, cette période de... C'est une année, 18 mois. Une année de haut risque, mais personne n'en était conscient. Mais personne n'en était conscient. Ouais. Alors ce qui s'est passé, c'est que oui, Tim Berners-Lee est parti aux États-Unis, c'était en juillet 94, et on m'a demandé de reprendre son job. Ouais. Et le premier job, c'était d'organiser la distribution de la nouvelle version qu'on attendait depuis très longtemps, la version 3. J'ai commencé à préparer ça et on a regardé avec le service juridique. On dit, mais qu'est-ce qui a été fait il y a 18 mois? Mais c'est pas possible. C'était dans le domaine public. Les juristes avaient changé. On a foncé à l'Office de la propriété intellectuelle à Genève, près de chez nous. On a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ils nous ont dit, mais elle est prévue quand, votre nouvelle version? Dans quelques semaines? Non, faites-le tout de suite. Ouais. Et on a immédiatement sorti la nouvelle version sous une forme différente, sous la forme qu'on appelle logiciel libre. Pour justifier, open source. Justement, voilà, c'est alors, ça. Alors, open source, ça veut dire, voilà, le logiciel web, il appartient toujours au CERN. Donc, personne ne peut se l'approprier. Il est à nous. Mais nous donnons à quiconque le droit irrévocable et perpétuel de l'utiliser ou de le modifier librement. Donc, c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas aujourd'hui. On fonctionne sur les mêmes bases? C'est toujours le cas aujourd'hui. Alors maintenant, ce sont des industriels qui ont repris les logiciels. Et ensuite, Tim Berners-Lee au MIT a organisé les versions suivantes, les 3.1, 3.2, 3.3, etc. Et toujours avec le même principe, bien sûr, il n'est jamais revenu au domaine public. Daniel Charnet, pourquoi on connaît mal son nom finalement à Tim Berners-Lee alors qu'on connaît ceux de tous les géants du GAFA? Pourquoi est-ce son nom est mal connu? C'est étonnant parce que peut-être son nom est apparu au moment où le web apparaissait et l'information ne circulait pas encore aussi bien. Mm-hmm. Donc on a découvert le web, c'était quelque chose de fait. Tim Berners-Lee avait quitté le CERN. Je pense que c'est pour ça que on a fait un essai tout à l'heure dans l'ascenseur. En demandant à la dame qui nous accompagnait qui était l'inventeur du web. Et elle nous a dit l'armée, elle nous a dit... Donc on est plutôt sur l'idée d'Internet d'ailleurs. On est sur l'idée d'Internet et Tim Berners-Lee a un petit peu disparu derrière son invention. Ouais. Mais ce n'était pas un homme d'argent non plus, donc il n'a pas souhaité faire une entreprise, il a souhaité créer le consortium web qu'il a créé au MIT, qui est un organisme qui a continué à faire les développements des standards pour le web. Alors, il est toujours en vie, hein, d'ailleurs, parce qu'on parle de lui beaucoup au passé, mais il était là pour l'anniversaire au mois de mars, évidemment, au CERN. Il est plus jeune que nous. Hein, et puis, il est toujours très actif, puisqu'il prend la parole très très souvent, évidemment, pour parler de tout ça. Oui, et il a des projets pour le web du futur. Ouais, alors, justement, on va en parler. Daniel Charnet, la grosse explosion, puis on va en terminer avec l'histoire, mais la grosse explosion, c'est quoi? 94. On va dire que c'est l'arrivée de Mosaic. Qui a fait que le web a explosé. Qu'est-ce que c'est Mosaic? Alors Mosaic, c'est un navigateur. Donc c'est le Google de l'époque un petit peu? Non, c'est le navigateur de l'époque. Ah oui, c'est pas le moteur de recherche. C'est le Safari de votre Mac ou l'Internet Explorer de votre PC. Ouais. Donc arrive Mosaic, c'est un nouveau navigateur qui supporte les images. C'est important? Il supporte les images. Il n'y a plus que du texte. Ouais. Donc là, il n'y a que du texte, mais les navigateurs ne sont pas des navigateurs à souris. Ce sont des navigateurs avec un clavier. Voilà. Quand on voit un lien, c'est un petit nombre qui suit un mot, 3, 7, 18. Et pour activer ce lien, on ne peut pas cliquer, il n'y a pas de souris. Ah, ouais. Donc on tape 18 et on va sur la nouvelle page. Alors que Mosaic, c'est vraiment le navigateur tel qu'on le connaît maintenant. Donc il apporte l'image, ce qui est important, ce qui va faire marcher le web pour le grand public, et il apporte quelque chose qui est moins flagrant, mais qui sont les formulaires. Alors le formulaire, c'est le truc extraordinaire. Ce sont ces petites cases que l'on remplit quand on achète un billet de train. C'est quelque chose qui rend le web interactif. On ne va pas chercher qu'un document, mais on va pouvoir interagir. On va pouvoir interroger une base de données, acheter quelque chose, piloter quelque chose à distance. Les physiciens, avec les formulaires, faisaient tourner depuis le fin fond des États-Unis ou le fin fond de la France un détecteur qui se trouvait au CERN grâce à un formulaire sur une page web. Donc, ces deux choses, les images, les formulaires, ça va titiller l'oreille des gens qui veulent faire du commerce avec le web. On peut faire des applications commerciales et 94. Et là, c'est le boom gigantesque. On va voir une explosion. Là, ça va nous échapper complètement. Nous, on est content. On voit le web. Et ça va commencer avec les physiciens, parce que tant qu'il n'y a pas eu Mosaic, tant qu'on utilise ces navigateurs avec un clavier, les physiciens ne comprennent pas. Et c'est quand ils voient Mosaic que les physiciens, les 10 000 physiciens répartis dans le monde entier, se disent « mais c'est fantastique ce truc-là ». Et donc, ils en parlent à leurs collègues chercheurs, et donc commence à se former une communauté de scientifiques, de chercheurs, qui va au-delà des 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 chercheurs qui commencent à utiliser. Donc c'est le noyau de départ, et ensuite, ça va exploser au-delà du monde scientifique. Je pense, François, qu'on peut dire que si Mosaic n'avait pas existé, si des navigateurs graphiques n'étaient pas arrivés, on ne parlerait pas du web aujourd'hui. Oui, il y aurait eu autre chose. Oui. Mais on ne parlerait pas du web. C'est vraiment ces navigateurs graphiques qui ont fait exploser. Et alors, le premier web français, Daniel Charnel, parce qu'on vous le doit quand même. C'est pas un accident, mais c'est naturel. Le premier web français, il ne pouvait... il faut bien voir que cet institut que j'ai cité au départ, qui fait de la physique des particules, travaille à 100% avec le CERN. Les moyens informatiques de la France et du CNRS sont les mêmes moyens informatiques que ceux du CNRS. On a la même tendance à choisir ce qu'a choisi le CERN. Donc, quand le CERN fait cette invention, naturellement, l'IN2P3, et on se trouve là avec mon copain Wojcik au bon moment, mais on ne pouvait pas y échapper. Ouais. Donc, il n'y a pas de gloire à en tirer, on ne pouvait pas y échapper. Donc, le web arrive en France, le premier site web arrive en France, mais très vite, ça explose tout autour. Il n'y a pas besoin de nous pour le faire exploser tout autour. On va réécouter un extrait de la série Halt and Catch Fire. C'était en 2009, réalisé par Ron Howard. Je vous propose d'arrêter une seconde, de nous demander ce qu'est le World Wide Web et de réfléchir plutôt à ce qu'il pourrait faire. Ce que propose Berners-Lee dans cet article, c'est une application qui pourrait fonctionner avec ce réseau de réseaux. Pour le moment, unifier tous ces réseaux est pratiquement impossible. N'oubliez pas que le World Wide Web et l'Internet, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, sont deux choses différentes. Le Web fonctionne au-dessus du reste. Il chapeaute l'Internet, il unifie tout, il en fait un seul et unique réseau. C'est là que se trouve le potentiel incroyable de ce genre de trouvailles. Aujourd'hui, l'univers online n'est rien d'autre que la tour de Babel. Ça, c'est la pierre de Rosette. Mais on parle de quoi ? On parle de bavardage, ou on parle de jeu, on parle de... On cherche à baiser, ou on parle de simple shopping ? Oui, excellente remarque. Le contenu passe avant tout. Mais cette boîte vide est l'équivalent d'un stade flambant neuf de 500 000 places. Faut savoir qu'on arrive trop tôt. Le World Wide Web est sûrement la plus belle invention depuis le fil à couper le beurre. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une petite éprouvette de labo qui marche sur un ordi Next. Et en Europe ? Oui, et en Europe. Ne perdons surtout pas l'idée du partage. On a ici un protocole partagé, on a un langage universel. Comme l'espéranto ? Qu'est-ce que c'est que ça, l'espéranto ? Une langue pour crétins qui a échoué. Voilà donc un extrait de cette série Halt and Catch Fire pour parler des 30 ans du web. Et alors, on peut comparer ça à quoi finalement dans ce domaine des inventions, Daniel Charnel ? Parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même quelque chose de très important. Je pense à l'imprimerie. Je pense à l'imprimerie. L'imprimerie a été le moyen de diffuser la pensée, et le web est un petit peu la même chose. Donc, c'est vraiment la seule comparaison. Oui. François. Et on peut dire qu'il y a même eu trois avancées importantes dans la diffusion des moyens. de connaissances et d'informations, ça a été l'écriture, l'imprimerie et le web. Et on peut remarquer que les deux premiers, et puis le troisième également, ont été sujets de critiques. Rappelez-vous que pour l'écriture, Socrate était absolument opposé à l'écriture. Il disait, mais avec mes manières d'écrire, cette nouvelle mode d'écrire les choses, les gens se souviendront de rien, ils croiront qu'ils savent, mais ils ne le sauront pas. Il était très critique. L'imprimerie a été très critiquée parce qu'elle était soupçonnée de diffuser plus largement des idées impies, je dirais. Fake news. Et aujourd'hui, on a le web qui a aussi ses défauts. Eh bien, justement, on va en parler dans un instant. Vous répondrez aux messages des auditeurs qui sont là sous mes yeux. Et puis, le futur du web également dans cette tête au carré. Quand il est descendu pour acheter des cigarettes, Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais. Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel. Et puis il a tourné enfin le coin de la rue. Michel aurait voulu le voir grandir dans l'entreprise, mais lui ne se voyait pas finir ses jours au marketing. Avec dans son café les cours de la livre sterling et des enfants qui lui ressembleraient de plus en plus. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il savait qu'à 8 heures, la table serait mise. À côté de son assiette, il y aurait ses tranquillisants. S'il fallait toutes ces saloperies pour arriver à s'endormir, ce n'était pas la peine d'avoir 30 ans. Et puis il verrait bien ce qu'il allait devenir, mais il n'en pouvait plus de vivre déjà comme un vieux. Le but de sa vie n'était pas d'avoir un jour un compte en Suisse. Ce n'était pas l'argent qui lui manquait pour être heureux. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Il revoyait encore la brasserie des Trois Dauphins, où ses amis l'attendraient demain de midi à 2 heures. La crise entraînerait encore des conversations sans fin. Mais demain à 2 heures, il serait loin. Il revoyait aussi la Michel amoureuse, celle qui lui téléphonait 3 fois par jour à son travail. C'était la vraie complicité, la vie n'était jamais sérieuse. Une de ces périodes heureuses qui ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Vingt ans avant l'explosion du web, il chantait ce lundi-là, c'était Michel Delpech. La tête au carré. France Inter. Daniel Charnet, François Flückiger sont mes invités ingénieurs, tous les deux pionniers du web et cette grande saga que nous vous racontons cet après-midi avec vos questions. Quid des réseaux sociaux, demande Yvan sur le site de la Tête au Carré, tiens, François Flückiger. Ah oui, alors si on se reporte 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, en 94, il y avait des choses qu'on avait prévues, d'autres qu'on n'avait pas prévues. Les réseaux sociaux, personne ne les avait prévues. C'est incroyable. C'est inimaginable, mais effectivement. Ouais. Ni d'ailleurs le fait que les plus jeunes s'intéresseraient. On pensait le web comme un système qui permettait de partager la connaissance. Mais l'intérêt des jeunes, on ne l'avait pas prévu. Daniel Charnet, Françoise demande, quel a été le premier moteur de recherche de l'histoire du web? Alors, je pense que le premier moteur de recherche, c'est AltaVista. Ah oui, c'est vrai. Alors, de nom, on s'en souvient, en tout cas. On s'en souvient, le nom était joli. Et il a été mis en place par un ingénieur français, dans mes souvenirs, qui travaillait chez Digital Equipment, ouais, qui était un grand de l'informatique qui a disparu maintenant. Donc, c'est lui qui a mis le premier moteur, ces fameux moteurs qui vont servir à centraliser le web, finalement. Marion demande, pourriez-vous évoquer le rôle des femmes dans l'invention du web ? C'est vrai qu'on les évoque peu pour l'instant. Est-ce qu'il y a des noms à retenir ? Oui, elles ont eu un rôle qui est en proportion de la proportion des femmes dans la technologie et la science. Néanmoins, le tout premier navigateur a été essentiellement écrit par une femme qui s'appelait une jeune étudiante qui travaillait avec Tim Berners-Lee, qui s'appelait Nicola Pello. Nicola, c'est un prénom en anglais féminin. Et donc, Nicola Pello, voilà, une femme qui était à l'origine du web. Daniel Charnet, d'autres noms vous viennent à l'esprit ? Alors oui, il y a un nom, maintenant, on en parle beaucoup, souvent, on la présente comme la personne qui a inventé le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui est justement quelque chose qui permet d'accéder à Internet et au web. C'est Eddie Lemar, qui était une actrice américaine qui avait inventé un système de cotage pour, à l'époque, je crois, pour guider les missiles, et qui a été le principe de ce codage a été réutilisé pour le Wi-Fi. Ouais. Donc, il y a des grands noms quand même féminins dans les inventions proches de l'Internet. Les 30 ans du web et aujourd'hui la face obscure justement de cette invention évoquée par son créateur Tim Berners-Lee, à plusieurs reprises d'ailleurs. Voici un extrait d'une archive de 2012 sur France 3. Assurément moins connu que Bill Gates ou Steve Jobs, cet homme est pourtant un dieu vivant dans le monde de l'Internet. En même temps, c'est normal, c'est lui qui l'a créé. Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, le fameux WWW. Pendant une heure, Tim Berners-Lee a présenté sa vision de l'Internet de demain devant un parterre de spécialistes qui l'ont religieusement écouté. Son credo, favoriser l'extension du web sans restriction tout en protégeant la vie privée de l'internaute. Aujourd'hui, ce chercheur britannique, anobli par la reine, est difficilement accessible tant son agenda est rempli, y compris pour nous, journalistes. Alors ne pouvant interviewer le pape du web, nous avons interrogé un de ses cardinaux. Lorsqu'on ne veut pas que nos données soient publiées à tort ou à travers, lorsque l'on veut garder le contrôle de données, on puisse le faire. On puisse dire, par exemple, il a mentionné l'initiative Do Not Track, c'est cette capacité aussi pour un utilisateur du web de dire, là maintenant, je ne veux pas que vous regardiez ce que je fais. Voilà, c'est Fabien Gandon, chargé de recherche à l'INRIA, qu'on entendait à l'instant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations de Tim Berners-Lee, en particulier pour les 30 ans d'ailleurs du web. Oui. Hein, il l'a rappelé là, à Genève au mois de mars, sur finalement son inquiétude et les choses à mettre en place pour essayer de contrer la face obscure. Oui, enfin, François Van Dieren, sans doute, mais moi, je trouve assez pessimiste. Alors, c'est vrai qu'il y a des dérives dans le web, mais on ne peut pas faire un média aussi important sans qu'il dérive quelque part. Dans la littérature, ça a été la même chose. Donc, il dit que le web a été détourné par des escrocs et des trolls. Hein. C'était en décembre dans le New York Times. Oui. Vous êtes moins pessimiste que lui, alors. Je suis moins pessimiste. Ouais. Je suis moins pessimiste. François Flückiger, sur les dérives du web, quand même. Oui, vous en aviez pointé assez vite, quand même. Oui, tout à fait. Alors, certaines des dérives, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, comme les réseaux sociaux. Mais ce qu'on avait prévu dès 1994, et ça a été documenté par écrit, c'est ce qu'on appelle le profilage. Le fait que les serveurs observent nos activités et à partir de ces observations en déduisent ce que nous sommes. Moi, je ne sais même pas qui je suis, mais le serveur pense qu'il sait ce que je suis, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, de manière à me proposer. Alors, les choses marchandes, c'est pas très important, mais les choses culturelles ou les opinions, en me confortant dans mes opinions, en me confortant dans mes habitudes culturelles. Donc ça avait été identifié dès le départ. On avait prévu dès le départ, effectivement, et ça s'est réalisé, que le web deviendrait un outil de partage de la connaissance gratuite. Ça s'est matérialisé par Wikipédia. Ce qu'on n'avait pas complètement anticipé, c'était une partie importante de ce que produisent, de ce que écrivent les internautes, ça concerne non pas la connaissance, mais la vie privée, l'information, mais ça consiste à parler de soi-même, moi. Et donc c'est évidemment le détournement de ces informations, de ces données privées qui pose problème aujourd'hui ? Alors, oui, bon, c'est effectivement un problème, le détournement, l'accaparation la commercialisation des données privées, la commercialisation. Et puis pour nous, alors scientifiques, la chose qui nous inquiète le plus, la chose qui peut-être même nous détruit le plus, c'est le web comme amplificateur des discours anti-science. Vous savez, nous, on essaye de créer de la connaissance à partir d'hypothèses où on déduit des connaissances par l'expérimentation ou par le raisonnement. Et puis on voit fleurir à côté de cette construction de connaissances, eh bien, des croyances. La Terre est plate. Et pas simplement croire que la Terre est plate, mais en faire du prosélytisme, essayer de convaincre. Parce que quand il y a une croyance qu'on ne peut pas démontrer, eh bien, on essaie de faire du prosélytisme pour convaincre les autres que le la Terre est plate. Le créationnisme aussi, hein, évidemment. Le créationnisme, bien illustre entendu. Illustre ce que vous dites. Au CERN, eh bien, on travaille en permanence sur l'origine de l'univers, 13,6 milliards d'années, et puis on nous oppose le créationnisme ou le relativisme. Tout se vaut, à l'école notamment, tout est équivalent. Monsieur le professeur, vous me dites que 2 plus 2 font 4, mais c'est mon droit inaliénable, mon libre arbitre, mon droit fondamental de penser que 2 plus 2 font 1. Daniel Charnay, vous partagez finalement cette inquiétude? Oui, il y a une inquiétude. Et cette blessure presque qu'on entend de la part de François Flückiger. Oui, l'inquiétude, elle existe. On a vu ces cas catastrophiques de ce qui s'était passé avec Cambridge Analytica, où effectivement, en ciblant des individus, on arrive à leur donner de l'information qu'ils veulent voir et conforter leurs idées. Mmh. Et ça s'est passé pour les élections aux États-Unis. Donc, mais... S'il n'y avait pas eu le web, à partir du moment où on a des... C'est plus un problème de web, c'est un problème de diffusion instantanée de l'information, instantanée et non contrôlée. À partir du moment où on diffuse aussi rapidement et sans contrôle de l'information, forcément, on a le pire et le meilleur. Il n'y aurait pas eu le web, il y aurait eu autre chose. Et pour l'imprimerie, c'était la même chose finalement, si on reprend l'analogie. Alors, la seule différence, c'est qu'il y avait des éditeurs qui étaient là pour filtrer, même s'il y avait de mauvais éditeurs. Mais tout a été publié quand même. Et surtout que ça allait beaucoup moins vite. Oui. François Flückiger, un message de Catherine qui nous dit « Comment un pays de dictature peut-il bloquer un accès à un réseau Internet » C'est-à-dire que ce réseau arrive à un point central qui coordonne toutes les informations. Daniel Charnay, vous préférez répondre? Oui, enfin, je pense que dans l'état actuel de la technologie, tel qu'est fait le réseau Internet, le réseau est fait pour que, même si on en casse un morceau, il continue à fonctionner. Donc, pour qu'un pays bloque l'accès complet à l'Internet, il peut le faire. Mais c'est un travail qui est relativement gigantesque, parce qu'il faut aller arrêter des tas de routeurs, arrêter un certain nombre de choses. Ça se fait pas, c'est pas une manette. C'est pas aussi facile. C'est pas une manette que l'on abaisse en disant on coupe l'Internet en Chine, etc. Ouais. Donc, oui, on peut toujours le faire, mais c'est très complexe. Allez, François Flückiger, pour terminer, on a 2 minutes à peu près ensemble. Vous qui avez été un des pionniers d'Internet, si on se projette dans l'avenir, alors là, qu'est-ce qu'on y voit précisément? Alors, bon, d'une part, on y voit la continuation de ce qu'on a vu depuis une quarantaine d'années. J'ai donné une vision un petit peu pessimiste tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on est rentré il y a une quarantaine d'années dans une phase de retour partiel de l'obscurantisme. C'est pas la faute à l'Internet, c'est pas la faute à le web. Au web, ils ont été un amplificateur et des accélérateurs de ce phénomène. Mais je pense que, à l'inverse, ils pourraient devenir des accélérateurs et des amplificateurs d'un retour vers plus de conscience. Oui. Ça, c'est pour l'aspect philosophique. Pour l'aspect technique, eh ben, je vais peut-être laisser... Oui. Daniel Charnay, alors, quel garde-fou? Quel garde-fou, je sais pas. Quand on parle de décentraliser le web, maintenant, on parle d'utiliser des technologies de type blockchain pour que l'information ne soit pas stockée chez Zuckerberg d'un côté ou chez Google de l'autre, mais qu'elle soit plus répartie et plus contrôlée par les individus eux-mêmes. On imagine des silos dans lesquels chacun aurait ses données personnelles et auxquelles il donnerait accès à certaines applications. Ça me semble très complexe. Je pense que c'est quelque chose qui va se décentraliser, mais il faudra bien 10 ans pour que... Mais les régulateurs, vous n'y croyez pas du tout? Ou les filtres, comme le souhaite Tim Berners-Lee cette façon de purifier l'Internet? Ouais, je pense que ça va être très difficile. C'est vrai. Je pense que c'est pas d'écrire des chartes qui vont faire que tout le monde va s'y plier. Ouais. Je pense que probablement la société devra changer elle-même, et si elle commence à changer... dans ce que je pense être le bon sens, alors effectivement, le web, l'Internet aideront dans ce processus. Contraindre l'Internet et le web, contraindre un outil, si vous voulez, c'est pas ça qui va changer les fondamentaux. Maintenant, restons positifs, restons optimistes dans l'histoire de l'humanité. Il y a un progrès constant. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour ce Merci survol, à donc, à l'occasion du 30e anniversaire, donc, cette année du web. Et puis, dans un instant, ce sera Fabrice Rouel, bien sûr, juste après l'émission avec Affaires Sensibles. Fabrice qui consacre aujourd'hui l'émission à Toutankhamon. Merci, en tout cas, à Charles Leca et Guillaume Roux, qui étaient aujourd'hui à la technique. Passez une très bonne journée sur France Inter. Il est pile 15h.